fais confiance en Santa, tous ces raclos sont là que par intérêt. Si tu me dois des sous, j'aimerais te braquer dans ton lit jusqu'à dans tes rêves. Tu te déplaces avec une équipe, mon c'est que le poids car son pas serein. Je suis dans tous les plans, mais je pourrais pas quand je me fais serrer. Bonne pas par ici, je les esquive tous, ils veulent m'analyser. Ils veulent mon but pour me banaliser, mais moi une taille de rang pour me canaliser. Pro pour me canaliser, on vit mon style la régie. Toi avec les techniques qu'on fait, je peux t'en faire un récit. Tout serait pour la bagarre, viens pas gâter le coin. Y'a du genre des meurs pour gâter le coin. Y'a des malades qui canardent pour gâter le coin. Si tu veux nous canard, on va gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Oh oh oh, t'es pris dans les mailles du fil. Oh oh oh, la foudre pour te défiler. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Au-dessus des lois, projet laissé des marques. Ils ne font pas le poids, nous on fait pas de cinéma. J'ai jamais rien attendu des gens, promis être seul qu'être mal aimé. Ils verront de même que je suis dangereux que si j'ai des traces à laisser. C'est dur voire triste, moi je suis un tueur d'artistes. Moi validé par toute la street, moi ça bouge pas pour mes rebelles déguises. Moi ça fait pas pas pas, je suis sorti d'un guet à fond. C'est pas de ma team, j'étais mis en désattente. Je l'ai plus dans dents, je t'ai bloqué dans la tombe. Je veux des billets de 500, je veux divider la banque. Tout serait pour la bagarre, viens pas gâter le coin. Y'a du genre des meurs pour gâter le coin. Y'a des malades qui canardent pour gâter le coin. Si tu veux nous canard, on va gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le coin, gâter le coin. Oh oh oh, t'es pris dans les mailles du fil. Oh oh oh, la foudre pour te défiler. Gâter le coin, gâter le coin. Gâter le